Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radioactive et aujourd'hui, on vous emmène au bord du Cher, à Civray de Touraine, pour une journée qui vibre au son des cordes, des amplis et de la passion. C'est le festival Guitare en Cher. Alors entre brocante musicale, luthier, masterclass, scène ouverte et gros concerts jusqu'à minuit, eh ben, y en a pour tous les goûts, du rock, du blues, de la folk et surtout beaucoup de sourires. On a tendu le micro aux artistes, aux bénévoles, aux organisateurs et même aux élus venus tous soutenir l'événement. Vous allez entendre parler de guitare, évidemment, d'engagement et de moments suspendus au bord de l'eau. Alors installez-vous tranquille, ouvrez grand les oreilles, c'est parti pour une virée sonore made in Civray. Et pour la première interview, nous avons récupéré sur notre passage Tito Naba. On dit Naba ou Nabat ? Comme vous voulez, on dit Nabat en général, comme ça les gens savent qu'il y a un T à la fin et ils le retrouvent plus facilement sur Spotify. Sur lequel vous êtes, évidemment. Absolument, bien voilà. Sûr. Petit coup de promo comme ça, bam, en soum-soum. Alors, Tito, tu vas me dire si je me trompe. Auteur, compositeur, interprète, membre de la scène Tourangelle. Ça, c'est les choses que j'ai trouvées sur Internet, hein, on va pas se mentir. Effectivement. Tito mêle chansons françaises avec du jazz manouche, folk et blues. Tout à fait. Inspiré par Django Reinhardt, San Severino, les Vrigels. Il s'est consacré à la guitare manouche après diverses études. Tout à fait. Scène souvent en duo ou quatuor, guitare accordée ou contrebasse. Sem. Tiens, j'ai dit Sem. Ouais. Non, alors je reprends. Parce que Sem. Je m'aime, je m'adore, mais je ne pense pas que c'était ce qui était marqué. Sem souvent en duo ou quatuor, guitare accordée ou contrebasse. Tout à fait. On est OK. On sévit dans ces eaux-là. Et donc, il développe un spectacle alternant émotion, humour et humanité. Absolument, la totale. Alors, tu n'es pas tout seul, Tito. Non. Est-ce non. que les non, autres... Tu n'es pas tout seul, non, malheureusement. Voilà. Alors, les garçons, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Sylvain Prince, guitariste. Voilà. Okay. Guitariste de Tito Naba depuis quelques temps. D'accord. Ça fait 2-3 ans, je pense. 2-3 ans, ouais, je pense, aussi. Ok. Et donc, bah, bonjour. Bonjour. Carl, contrebassiste. Ok. Ça va faire une année. Ça fait à peu près un an, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Depuis qu'on a le budget, on a une contrebasse avec nous. La contrebasse, c'est quoi, il y a le budget. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait justement, le parcours du groupe, cette formation à plusieurs. Et ben au début, j'étais tout seul. Je suis sorti de l'école et j'ai commencé à faire des plans solo pour manger. Donc j'ai joué un petit peu partout, dans des bars à côté des chiottes, dans des mariages à côté des chiottes, sur les petites scènes à côté des chiottes aussi, beaucoup à côté des chiottes. Un début de carrière très sanitaire, disons. Et j'ai commencé à écrire des petites chansons, puis des grandes chansons, et puis finalement j'ai eu envie de faire un spectacle et de faire que ça. Avec une ambition un peu plus musicale que quand on est tout seul en guitare-voix, et donc j'ai commencé à bosser avec Sylvain, ici présent. Qui est venu ajouter des lignes de guitare pour rendre les morceaux un peu plus mélodiques. Et puis ensuite, qui dit jazz manouche, dit contrebasse. Donc on a Carl et on a aussi un accordéoniste qui est avec nous aujourd'hui, mais qui doit être en train de bouffer, sûrement. Donc, il passe son temps à faire ça. tant pis. Mais voilà, du coup, on est quatre dans la formule. Après, ça dépend. Vous avez peut-être vu dans le coin en live, soit en duo, soit en trio, soit en quartet. On est rarement plus. Pas rarement, je veux dire jamais. Voilà. Donc, question de budget. Question de budget. Petit batteur, on attend ce le prochain mal. Palier. Et alors, quand vous avez rejoint Tito, les garçons, c'était parce que vous adoriez sa musique ou alors c'était l'opportunité qui faisait que, bon, tiens, on y va. Question piège. C'est ça. C'est la question piège. Non. C'est Tito qui est venu me voir parce que j'étais en train de jouer au bar Le Strampantin. Mais à tout. Voilà, il cherchait un contrebassiste et il m'a dit hey, dis donc toi. Il y a un bar qui est connu pour ses bœufs de jazz. Tout notamment. À fait. Bœufs de jazz manouche, swing. Aussi. Bœuf swing tous les jeudis soirs. Ouais. Je le dis parce que je suis dedans. D'accord. et donc il est venu me voir et puis il m'a fait écouter et j'ai adoré. Mais vraiment, ça m'a fait trop rire. Mais c'est frais. Je te l'ai dit en plus. Mais c'est vrai, c'est frais, ça change, c'est sympa, c'est bien écrit. Parce que c'est vrai qu'au début, tu fais le gars qui écrit ses textes et tout. T'as toujours un peu peur. Ouais, on est d'accord. Et en fait, super, ça m'a vraiment fait rire. Et puis j'entendais déjà des lignes de basse. Je disais, ça manque de basse quand même. Donc ça m'a plu. Voilà. C'est plutôt bon signe. Un contrebassiste qui trouve que ça manque de basse, c'est toujours bon signe. Sinon, c'est qu'il faut pas l'embaucher. Et toi, Sylvain, de ton côté, la guitare Quelle était la question? La question, c'était est-ce que tu as rejoint Tito? Ah oui, parce que et j'aime cette le formation projet, pas. Ah oui, ben. Non, mais si, si. Avec Tito, on a commencé par jouer pas ses compos tout de suite, en fait. On a joué plutôt des standards en trio au début. Ouais. Et après, puis, il était piégé. Et après, et si, et par moments, il apportait des petites compos et je disais, ah, ça marche bien et tout, faudrait. Enfin, je trouvais que cet aspect était cool dans le trio, de pas faire que des standards mais aussi des compos et tout. Et puis voilà, et un jour il a dit bon bah là je me lance et je fais que des compos et bah j'étais bien content de faire partie du projet quoi. C'est pas vrai. Bah si. Oh ça bah, c'est ouais, gentil, voilà, ça voilà, me voilà touche. Ce qui se passe, hein, c'est ça. Vous voyez comme vous vous aimez, c'est beau. Ouais c'est voilà. Beau ouais. On ouais. Voit pas là mais Tito il est en train de pleurer. Je vois la petite larme qui coule. La petite larme. T'es vraiment le seul à apporter des mots sur les chansons. Ouais. Tu es le seul à composer. Ouais, ouais, ouais. Je compose et j'écris. Et ensuite, les gars me filent un coup de patte. Je dis les gars parce que bah, malheureusement, on a trouvé que des garçons de disponibles pour le groupe. Donc mm-hmm. On a zéro parité pour l'instant. Inch'Allah, si on s'agrandit, on verra peut-être. Mais c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Donc on a beaucoup de mal à trouver cette parité. Bon bah on fait avec, hein, on se débrouille avec ce qu'on a j'ai mes gars. Mais non, ils apportent des idées d'arrangement pour répondre à votre question une fois que les compos sont terminés. Moi je pars d'une base où en fait le morceau fonctionne en guitare-voix simple, mmh. Où je peux m'accompagner tout seul. Et ensuite, eux ils apportent des idées et c'est comme ça que ça se passe. Et sur scène, et sur les enregistrements aussi là on est en train de travailler sur un EP qui devrait sortir en septembre. Très on bien. Se tâte à sortir un petit single avant l'été. Mais on n'a pas encore de date à vous annoncer malheureusement. On n'aurait pas l'exclu. Mais je ne manquerai pas de vous filer un petit coup de fil une fois que ça sera décidé. Et puis moi, je vais filer ma petite carte pour qu'on puisse le diffuser, évidemment, dès que ce sera sorti, avec grand plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Donc le premier single qu'on sortira s'appellera Le Séducteur, et donc vous pourrez entendre Karl et Sylvain dessus. On n'aura pas d'accordéon dessus, on est parti sur un truc vraiment plus produit avec... Il était parti manger ? Non. Il était pas là. Exactement. Je vous dis, il ne fait que de bouffer. C'est vrai que les jours d'enregistrement, on mangeait très bien. Ah, par contre, ça, je sais recevoir. Je paye pas cher, mais on mange bien. Voilà pour la petite histoire. Donc là, sur scène, tout ce que vous entendrez des lignes mélodiques de mes musiciens, on l'a convenu ensemble, mais ce sont globalement des idées qui viennent d'eux. D'accord. Voilà, donc c'est des gens qui ont déjà la culture swing. C'est pour ça que je les ai choisis aussi, c'est qu'ils ont, ont le son dans la tête et donc ça fait que la musique est tout de suite beaucoup plus riche quand on la pense à plusieurs. Tout à fait. En termes de date sur le secteur, on imagine, alors moi on disait hors antenne tout à l'heure, mais moi je t'ai déjà vu sur scène. Ah bah voilà, l'accordéon a fini de manger. Alors, eh ben hop, on va lui prêter un micro. Tiens, bah vous partagez voilà. un chromie peut-être. Donc on n'a pas bonjour, assez de enchanté, casque. Enchanté. Alors, qui es-tu, l'accordéoniste ? Moi, je suis Nicolas Campin. Je suis accordéoniste. J'habite en Touraine depuis un petit moment maintenant. D'accord. Très bien. Alors, juste avant que tu nous rejoignes, j'avais posé la question du coup, à tes acolytes de savoir s'ils avaient rejoint le projet par opportunité ou par, vraiment par admiration totale pour Tito. Est-ce qu'on a le droit de répondre à un petit mélange des deux ? Il y a une petite histoire derrière Nico. En fait, habituellement, on tourne avec un accordéoniste qui est de Caen. D'accord. Parce que je suis né à Caen, donc j'avais un petit réseau là-bas. Et donc j'avais commencé à monter le projet avec des musiciens de Caen, ce qui n'est pas pratique quand on est à Tours. Et donc, petit à petit, les musiciens ont fait relais. Et en fait, on devait venir avec notre accordéoniste de Caen aujourd'hui, mais qui a eu un pépin. Et on l'a appris assez tard. Et donc... On a fait jouer du réseau et on est tombé sur ce cher Nicolas Campin qui est venu gentiment prêter son accordéon. Alors on le connaissait un petit peu d'avant parce qu'il a une petite réputation dans le milieu de la musique tourangelle. Mais ça va être une grande première ce soir. Vous aurez le plaisir d'entendre Nicolas Campin pour la première fois sur du Tito Nabat. Eh ben merci, c'est un plaisir de vous rejoindre, de rejoindre l'équipe en tout cas. Arrête, oh là, ah oui, on est mielleux. Mais si, si. Et comme je disais tout à l'heure, il est coincé maintenant. Eh ben oui, ben voilà, oui, forcément, là maintenant, il n'y a pas d'issue. Ce festival Guitare en Chair, c'est comment l'opportunité s'est présentée ? C'est la prod qui vous a contacté ? Oui, c'est Gérald. De l'Orga qui m'a contacté. Je crois que ça faisait un petit moment que c'était en discussion pour potentiellement l'édition précédente ou celle d'avant encore. Mais il y avait d'autres groupes et donc c'est cette année que ça s'est fait, on est très contents. Parce que Gérald, quelqu'un de très sympa. Puis nous, on a entendu. Alors, les deux autres éditions, j'ai pas pu venir parce que j'étais déjà en concert sur les autres éditions. Donc, malheureusement, C'est la première fois que je vois le festival, mais j'ai eu que des échos excellents. Apparemment, il y a un accueil du public assez chaleureux aussi, donc on est ravis d'être parmi le festival ce soir. Mais en tout cas, quand on a préparé notre intervention sur le festival, on a reçu l'équipe de Guitare en Chair dans notre studio d'Amboise, et Gérald n'a pas tari d'éloge par rapport à votre formation et de l'interaction avec le public. Ah, ça... Ça, c'est hyper important, c'est quelque chose qui fait mouche. Ouais, j'ai du mal à enchaîner les morceaux sans rien dire. Mm-hmm. Il m'est souvent arrivé, en fait, d'aller voir des spectacles de chansons, par exemple, où je trouve que les textes sont magnifiques, mais il y a un truc qui me... Si on me parle pas, moi, quand je suis dans le public, je finis par décrocher, et au bout d'un moment, c'est vraiment un effort de rester attentif. Pour moi, hein, personnellement, hein, je dis pas que c'est une valeur sûre, mais du coup, c'est ce que j'essaie d'apporter sur scène. Entre les morceaux, j'essaie d'attraper un peu les gens, de raconter des conneries. Il y en a qui sont écrites aussi. Il y a des... Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. On va sûrement jeter des carottes dans le public. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais si vous avez un peu faim, venez avec vos paniers. Je serai pas déçu. Très bien. Eh ben, les garçons, on est ravis. À quelle heure vous jouez, vous ? C'est à... En même temps, on n'est pas en direct. Mais bon, les auditeurs prendront l'émission... en décalage, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, vous êtes content de l'accueil que vous avez eu par rapport à... Très content, ouais. Très content. L'équipe est hyper sympa, ils sont dans le rush et ils gardent le sourire, donc ça fait toujours plaisir. Bravo à eux. Et je crois qu'on joue, on est prévu, à mon avis, vers 17-18h, un truc comme ça. Ah bah c'est 18h, ouais, tout voilà. À fait. Tout à fait, je reprends mes notes. Le reste de la prog vous plaît ? Ce que vous avez entendu par-ci, par-là, quand vous voyez ces petits jeunes sur scène, des écoles de musique, ça vous rappelle vos premières notes, vos premières gratouilles et, C'est par là que ça commence toujours. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Les auditions à l'école de musique, ouais, je ne sais pas si vous avez fait. Ouais, mais À l'extérieur. À l'extérieur. C'est génial de pouvoir faire ça. Ah ouais, c'est trop bien. C'est là où on se dit, hey, j'en ferais bien mon métier. Bah tiens. C'est pas faux. Bah oui, c'est la relation avec le public, évidemment. Bah exactement. Oui, c'est toujours mieux. Ok, eh ben écoutez, un petit mot pour les auditeurs de Radioactive et les spectateurs de Guitare en Chair. Un petit mot, balançoire. Basilic. Pamplemousse. On en a plein des petits mots. Hydratez-vous. Ouais. Ouais, c'est important ça. Ouais, hydratez-vous. C'est pas mal, ouais. Et écoutez Tito Nabat sur tous les réseaux, bien sûr. Sur TikTok, oui, sur Spotify, sur Instagram, on a le Minitel, la totale. N'hésitez pas à faire un tour, Tito Nabat. On a de l'actu qui va sortir bientôt. Et puis il y a déjà tous les concerts de cet été. Génial. Et un EP pour l'automne. Pour le mois de septembre, tout à fait. Donc début automne, effectivement. Eh ben, je propose justement qu'on enchaîne sur un morceau de Tito. Alors Vincent, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors avec la lumière, je vois absolument rien sur l'écran. On va trouver ça. Donc on a qu'est-ce qu'on prend ? On a ta cuisine, on a à ce qu'il paraît, on a le sac à main de la voisine. À ce qu'il paraît ou le sac à main, je voulais choisir, ce sont deux gros bangers. En toute humilité bien sûr. Allez, c'est parti avec le sac à main de la voisine. Merci. Tito Nabat, merci les garçons. J'ai trouvé sous un banc abandonné à terre un sac noir, jaune, blanc, en fausse peau de panthère. L'honnête homme que je suis saisis l'objet, cherche le propriétaire, je le ramène chez moi. Pour trouver des indices, ça vient d'une voisine. Le sac était posé là, sur le parvis de l'immeuble, celui où j'habite. Je glisse mes doigts entre les dents, au de la fermeture éclair, j'en ressors des menottes rose et argent. Ça vient pas d'un concert, ça me dit pas qui c'est, mais dessine le trait d'un sourire au coin de mon portrait. La voisine est coquine, le savoir ça me plaît. La voisine est coquine, ouais. Dans le sac, sac à main, le sac de la voisine. Dans le sac, sac à main, le sac de la voisine. Dans le sac, sac à main, le sac de la voisine. Dans le sac à main, sac à main, sac. J'ai trouvé sous un banc un sac noir, jaune, blanc, en fausse peau de panthère. Je ne m'étais pas réjoui. Autant depuis que j'habite ici, j'allume une bougie. j'y joue un CD pour savourer l'instant. Le bagage est bondé, ça va prendre un moment. Je continue sans perdre de temps. Je glisse mes doigts entre les dents de la fermeture éclair. J'en ressors une liasse de billets de banque, l'argent tant qu'un dictionnaire. Ça me dit pas qui c'est, mais ça termine le trait du sourire au coin de mon portrait. La voisine a du cash en quantité. La voisine a du cash, je sais pas quoi penser. Dans le sac, c'est comme un sac de la voisine. Dans le sac, c'est comme un sac de la voisine. Dans le sac, c'est comme un sac de la voisine. Dans le sac, comme un sac, comme un sac. J'ai trouvé sous un banc abandonné à terre un sac noir, jaune, blanc, en fausse peau de panthère. Et je me demande si je cours un danger à cause de la voisine. Est-ce qu'elle a trempé dans des sales affaires? Est-ce qu'elle a gagné au tiercé? Est-ce qu'elle a coché les cases et le complémentaire? Est-ce que je me fais des idées? Je glisse mes doigts entre les dents de la fermeture éclair. J'en ressors une alliance d'or et diamant avec un vrai doigt dedans. Là ça me dit qui c'est, je vais finir dépecé. C'est une tueuse à gage. Faut que je remette le sac en place. Après ça, faut vite que je dégage. J'y retourne aussitôt, je me glace. La voisine guettait les étages. J'ai compris en voyant son visage que j'allais terminer mon voyage. Dans le sac, sac comme un sac de la voisine. Dans le sac, sac comme un sac de la voisine. Dans le sac, sac comme un sac de la voisine. Dans le sac, sac comme un sac. Dans le sac, sac comme un sac. Voisine. Alors nous sommes toujours sur le festival Guitare en Chair à Civray de Touraine, au c'est bord ça. Du Cher. Il fait chaud, il fait très chaud, et parmi nos convives du moment, il y en a qui iraient bien prendre une douche. Même piquer une tête dans le Cher. Ou même pourquoi pas piquer une tête. Il paraît qu'il y a des bactéries, il faut pas trop y aller je pense. Mais... Ils sont avec nous, ils nous ont rejoints, c'est Calibre 12. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Voilà, alors bien dans le micro, parce que si tu ouais, ouais, là, ouais. tu n'auras pas t'entendre. Ouais, ouais. Et le mec est musicien. Alors oui, derrière nous, on entend bien évidemment notre ami Gérald Moisan en train de présenter les enfants, puisqu'il va y avoir effectivement les enfants qui vont se produire. Un arrière-son, on ne peut plus rock, hein, comme tu précisais tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, on va commencer par le batteur. Jean-Luc à la batterie. Ok. On a de la chance et on a toute chance. Voilà, batteur. Jean-Luc à la batterie, super. Moi, c'est Chris, je suis guitare chant. Ouais. Moi, c'est Jean-Marie, c'est plutôt ouais, JM d'ailleurs, à la guitare. Et aussi au chant un peu quand même. Ok. Le bassiste, je vais te dire, il n'est pas là. C'est-à-dire, le bassiste officiel du groupe est malade et le bassiste qui le remplace, là, il va arriver plus tard. Donc, on ne va pas. Il s'appelle Cyril pour la. Pour la petite histoire, et le bassiste d'origine, Lolo, Laurent, viendra peut-être nous voir tout à l'heure, il habite Le Mans, il viendra peut-être nous voir tout à l'heure, mais il a des gros soucis de santé. Ah ok. Donc on espère le revoir bientôt dans le groupe. Très bien. Et à ma droite. Salut, moi c'est Dom, je suis un peu le couteau suisse du groupe. Oui, c'est ça, il s'est présenté tout à l'heure comme le couteau suisse. Vous confirmez qu'il est couteau suisse? Complètement. C'est comme ça qu'ils m'ont surnommé, donc je peux pas faire autrement. Chauffeur, accordeur de guitare, sécurité, tout fait. Ah, est-ce que c'est lui qui vous ramène la petite bière fraîche en fin de set? Probablement. Il nous ramène surtout quand on a bu trop de bière. Je gère un peu le son de temps en temps. Bon alors, Calibre 12, racontez-nous votre histoire, ça date de quand? Oh, c'est Je n'ose même pas le dire. D'abord, ça commence au siècle dernier, ce qui rajeunit personne. Déjà, j'étais pas né. Vous êtes originaire du coin, vous êtes des Tourangeaux, les garçons. Pur Tourangeau, pur souche, absolument. Saint-Ave, c'est ça à peu près le. Saint-Ave, le fief d'origine, ouais. C'est ça. Mais avec un bassiste. Enfin, oui, le groupe d'origine démarre à Saint-Ave, c'est une bande de potes en fait. Fin des années 80. Ouais. Bon, bah ça y est, c'est dit, tant pis. Ouais, même avant, les années 70 pour le noyau dur du groupe. Ouais. Au milieu des années 70. Mais bon, après, ça a évolué. Il y a des gens qui sont arrivés dans d'autres gens, personnes qui sont arrivées dans le groupe. Ça a évolué. Il y en a qui sont malheureusement partis vers d'autres cieux, on va dire. Mon meilleur pote fondateur du groupe avec moi-même, John, n'est plus là. Il nous a quittés trop tôt. Donc, mais la musique continue. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours content de continuer l'histoire. Oui. Hein, continuer l'histoire. Mais nous, on est de Saint-Avertin, effectivement, enfin, ou presque. Hein. Hein, presque, enfin on est des Tourangeaux, voilà. Et le bassiste, par contre, lui, c'est un manceau, un pur manceau. Ok. Donc, il ne sera pas là aujourd'hui, mais c'est un pur manceau. Très bien. C'est quoi vos inspirations? En fait, Calibre 12, c'est quoi comme zik? C'est quoi vos inspirations? On est sur du classique rock. On a pu nous prêter du Southern Rock, comme on disait à une époque. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, je trouve, mais oui, c'est du classique rock. Influence américaine beaucoup, donc ça vient du blues, ça vient, mais en même temps ce classique rock là vient aussi des Rolling Stones, ce genre de choses, voilà. Tout est un peu mêlé et on reste là dessus, donc du classique rock avec des guitares en harmonie pas mal, donc ça peut être des groupes comme Lynyrd Skynyrd, 38 Spécial, plein de choses, Blackberry Smoke dans les plus récents, les Allman Brothers, aussi. Et puis et bien sûr et aussi un petit peu plus loin les barbus texans de ZZ Top. Ça oui. C'est un petit peu notre cam ça. Ils auraient chaud aujourd'hui. Ça va, Chris, toi là, la barbe par un temps si chaud? Ouais, je suis chaud donc ça va. on compense. Ok. Le festival Guitare en Chair, c'est venu comment? Ils sont venus vous solliciter? C'est vous qui... Ben, c'est Gérald qui nous a appelé. C'est Gérald. Voilà. On devait y jouer l'an dernier. Hein, ouais, c'est ça. On a fait un concert en 2022, je crois. Pour la sortie de l'album. Pour la sortie de l'album au Red. Enfin, c'était pas la release, mais c'était suite à ça. Au Red avec Yann, Yannick, Gérald. Voilà. On a sympathisé après bon voilà et puis bon même si c'était pas le meilleur concert de notre vie non mais bon ça s'est resté une bonne ambiance et puis ils nous ont contacté l'année dernière mais on pouvait pas, on avait une autre date je crois, voilà c'est ça, et puis ils nous ont rappelé cette année donc ça fait trop plaisir, moi je suis trop content d'être là en tout cas. Bah c'est super, on est content aussi et puis on a hâte de vous voir sur scène. Alors, est-ce que Calibre 12, il y a un petit rituel justement avant de monter sur scène, des petites habitudes des uns des autres? Boire un petit coup, je pense. Boire un petit coup. On n'a pas entendu beaucoup Jean-Luc. Ouais, c'est ça, c'est boire un petit coup. Sur ce sujet, ce sujet, je peux vous en parler. On n'a pas le droit de faire de pub à la télé ou la radio, mais c'est souvent le numéro de 7. Avec frère Jack et frère Daniel, en fait. Ok, d'accord. On voit, ouais. Ouais, c'est juste le coup de, comment on appelle ça, de start pilote, quoi. Voilà, hein, il en faut un, de toute façon. On évite absolument d'arriver à monter sur scène dans des états seconds, ça, c'est pas bon du tout pour la musique. Non. Et pour l'image. Donc, ça, on l'évite, mais bon, le petit coup avant de monter, bon, nous, on n'a pas de rituel comme peuvent faire les Eagles, où on dirait une équipe de rugby, là, qui se stimule et qui fait un haka. Nous, c'est pas tout à fait ça, quand même. Mais un peu chacun sa life. Ouais, c'est ça, ouais. Puis on se retrouve sur le moment pour faire du rock, quoi. Voilà. Très bien. Vous parliez d'un album tout à l'heure, c'est il date de quand alors? Qu'on a sorti en septembre 2022. D'accord. Ouais. Il y en aura à disposition du public un petit merch ce soir. Alors le merch, on n'a pas de stand, mais on n'a pas de stand. On n'a pas pris le temps de mettre un stand. Après, bon bah. Ouais, ça va. Si les gens viennent un petit peu. On a Dom qui est là, donc. Bah oui, couteau suisse. Bah voilà, c'est parfait. Là, il fait la gueule, évidemment. On dira aux gens de venir en bord de scène. Après, on était sur un prochain album à la base. Ok, il y a des projets donc. On devait rentrer en juillet en studio, mais bon, avec la maladie de Laurent. Ça a été décalé. C'est décalé pour mieux sauter. Si tout va bien, on aura l'album en décembre. Mm-hmm. Voilà. Et alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Calibre 12, mais qui vous écoutent et se disent oh, ils ont l'air sympas, on va aller écouter leur musique. On est sympa. Comment on vous trouve? À 10h. Sur toutes les plateformes de évidemment de streaming, hein, à 10h, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, j'imagine. Bah tous, j'imagine, hein, vraiment, on a payé pour, donc on espère que c'est dessus. Mais et sinon Instagram, donc Calibre 12 Band. Et Facebook Calibre 12, voilà, c'est principalement là-dessus qu'on communique. On a un site calibre12band.com qui est tout neuf. Ouais. J'ai fait ça le week-end dernier. Mais donc voilà, de toute façon, on est un groupe un peu indépendant, donc forcément, on fait un petit peu. Oui, oui, le groupe est totalement, on va dire, composé de gens musiciens, mais non professionnels de la musique. D'accord. Il n'y a pas d'intermittence chez nous. Hein. Certains avaient un boulot et touchent une retraite. Je ne dirais pas qui. Oui. D'autres travaillent le reste de la semaine. Donc, en fait, non, il n'y a pas de... On cherche pas à jouer pour gagner de l'argent. Nous, on cherche à jouer pour se faire plaisir. Et puis, en communiquer aussi notre passion. Quoi, voilà. D'ailleurs, jouer, vous avez beaucoup joué. C'est plus de 300 concerts, d'après ce que... Même ouais, plus que bah, ça. Depuis le début, ouais. Fin 80, forcément. Oui. Et il y a des souvenirs mémorables, un truc... Il y en a plein, sûrement. Pas mais beaucoup qui soient racontables à la radio, mais... La première on est sur Radioactive, on peut. La première partie de ZZ Top, c'était quelque chose. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. L'American ça Festival, un... c'était 2017. Hein. Donc on a ouvert pour ZZ Top et c'était magique, quoi. C'est un rêve de môme, quelque part. Et donc vous les avez rencontrés, côtoyés un peu non. à cette occasion bah, non, ça a été très compliqué. Pas très sympa. Ouais. Les managers gèrent tout ça. Ouais, ouais. Pour ouais. qu'ils voient personne. On avait été séparés. On aurait dû passer du temps avec eux dans les loges de. Du parc des expos hein. Oui. Et puis total on nous a mis à part derrière en arrière scène donc on a à peine pu leur dire bonjour même hein, On a vu le même retour de Jekyll Wood quand il avait fait la première partie de Lenny Kravitz où il n'avait pas du tout c'est souvent des choses qui sont Mais on a fait d'autres premières parties nous on avait sympathisé à l'époque fait même une petite chouille après le concert avec Calvin Russell par exemple on avait ouvert pour Calvin. Bon, c'est pareil, le numéro 7 était là aussi, et pas que. On va pas raconter ça à la radio, mais il y avait des trucs pas clairs qui étaient moi, là. Moi, j'étais pas là, je ne peux pas. Voilà. Il y a eu des choses sympas comme ça. Ça fait beaucoup de choses que vous pouvez pas nous raconter. Ouais. C'est pas pratique tout ça. Ouais, il faut venir nous voir en concert. Hein. Comme ça, vous vivez les choses. Et puis... Alors, ça, c'est génial parce que là, derrière, vous voyez la relève. Elle est là, la relève. Ah, ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez de voir tous ces petits bouts sur scène? Bah. J'ai vu le concert là-bas tout à l'heure de l'école de musique, je crois. Je me suis revu au collège avec ma première guitare achetée sur eBay à 2€ et c'est rigolo quoi. C'est chouette les t-shirts Iron Maiden. Et tout. Bon, bah, c'est cool. Le rock n'est pas mort. C'est ça. Je me suis dit exactement la même chose. Et c'est chouette. C'est rassurant. Ok, bah, les garçons. Ah, je sais pas, moi j'aime bien poser des questions qui sont un peu décalées des fois, mais je dirais, on imagine que vous vous connaissez quand même relativement très très bien. Ah ouais. Et ce serait quoi la chanson coupable de l'autre? La chanson coupable. Ah ouais, le truc pas le tout à fait coupable. Assumé, tu vois, le truc qu'on met dans sa voiture, mais en vrai... Alors, c'est-à-dire que quand tu fais du rock, moi par exemple je suis un fan de Jean-Jacques Goldman. Ah bah voilà par exemple. Mais bon je trouve peut-on ça bien dire, donc pour moi c'est pas coupable mais bon dans le style je sais pas. Là c'est ce qui m'est venu à l'esprit mais Jean-Jacques Goldman c'est super. Ouais. OK. Bonne réponse. C'est plutôt bien. Par contre dire les culpabilités des autres je serais pas capable. Moi je suis innocent de toute façon. Oui bien sûr. les innocents Lulu, les innocents. Non, moi j'ai pas de ça non plus. Enfin, j'en vois pas, ça me vient pas l'esprit. Oh, Jean-Marie, un petit Mylène Farmer, Jean-Marie, non? Ah non, même pas, non. Non, même pas, non. Même pas pour mourir. Donc alors, Jean-Marie, si tu devais, si t'avais l'occasion de partager la scène avec un artiste, un super artiste, qui soit d'ailleurs encore vivant ou pas, ce serait question. Quoi ton gros kiff? Sûrement un des guitaristes de 38 Spécial, le groupe américain qui a été un petit peu notre qui fait partie de mes mentors. Mais pour être plus les deux pieds sur terre, ça serait marrant qu'un Mick Jagger qui habite pas très loin d'ici débarque sur scène. On ferait un quitte en commun ensemble, ça me botte très bien. Ouais. Ah. Ah, elle est bien, Mick, ta réponse, si tu bien. Nous écoutes, Mick, on t'aime. Si tu veux produire le prochain album, t'hésites pas. Rolio, la question avait l'air de t'inspirer, Chris, tu peux y répondre aussi. Hein. Ah, c'est dur. Surtout que moi, je suis quand même un peu plus jeune. Hein, j'ai pas tout connu. Moi, je rattrape mon retard, on va dire, un peu. Moi, je pense qu'un gars que j'aurais bien aimé, c'est au moins voir, c'est Stevie Ray Vaughan. Ah oui. Voilà. Et je l'ai vu. Ouais. D'ailleurs, c'était pas Nono qui était à côté de toi dans la salle de concert. Si, c'est Nono. Si je le vois tout à l'heure, on va en parler. La dernière fois que j'ai vu Nono, c'était début 80. C'est ça. En première partie, devant Stevie Ray Vaughan dans. Ah ouais. Dans la fosse. On était 10 dans la salle pour plus. Ah dis donc. 10 dans la salle pour voir Stevie Ray Vaughan, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, moi c'est ça. Jean-Luc, toi ? J'en ai plein, je sais pas. Tu me proposes un deal avec Joe Bonamassa, je serais fan d'être son batteur pendant 10 minutes. Quoi. 10 minutes, pas plus. Faut trouver un morceau s'il te plaît, qui soit long. Non mais c'est vrai, le plan qu'on disait de Jagger qui est du coin, moi je suis pas loin d'Amboise aussi, je sais où il habite. T'as envie de pousser la porte en lui disant, tu vois, bah, si tu peux nous aider, il est grand temps que quelqu'un nous aide pour pouvoir, j'irai pas percer, c'est fini. Mais pousser une porte plus grande, quoi. Mmh. Et bon, bah, vu l'âge qu'on a, hormis lui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et vous savez que quand j'ai tapé Calibre 12 sur mon ordinateur... Oh, te marrer, faut pas. Si t'as que ça, tu vas avoir les flingues. Ils vont sortir. Calibre 12 Société bande. De chasse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plagiat de nom, là? Ils nous l'ont piqué. Mais non, mais c'est pas normal, ça. Tu t'es laissé faire. On l'a pas déposé, ils nous l'ont piqué. Ah, la vache. Et ouais. D'où l'intérêt de mettre Calibre 12. Vous aviez quand même la priorité rajoute, historique sur ce nom, quand on même. On rajoute le terme band derrière. Band, du coup. Ouais. Ouais, voilà. Oui, mais c'est ça. Il y a un autre groupe mexicain, je crois, ou brésilien, je ne sais plus. Sud des États-Unis, mais qui s'appelle Calibre 12 aussi. Ah ouais. Et je pense qu'on a plein de faux fans sur Facebook, par exemple. Ah ouais, d'accord, qui pensent que c'est les autres. Ouais, des fois, je vois des trucs passer. Tiens, c'est marrant. Okay. Mais à la base, ça vient effectivement d'un fusil de chasse, hein, le nom. Hein. On va pas se cacher là. Ça n'a rien à voir avec des histoires, on va dire, extrêmes. Ouais. C'est juste que mon grand-père, un jour, on lui a piqué des haricots. Il avait mis un petit panneau. Après, les plombs vont être plus difficiles à digérer que les haricots. Et je me suis dit, tiens, il va sortir le Calibre 12, le grand-père. Et après, j'ai dit, tiens, ça serait marrant comme nom de groupe, et ça. Et puis, lié aussi c'est au une groupe, analogie avec les groupes qu'on aime, qui s'appellent Point Blanc, 38 spécial. Ouais. Et on s'est dit, tiens, on va faire une analogie. D'accord. Mais ça nous a pas toujours aidé, ce nom. On nous a pris pour les fachos, en clair. Hein. Mm-hmm. On s'est dit, surtout le premier album de Calibre 12 à l'époque, on était habillés avec les Duster, on avait pris des fusils. Bah, comme des gamins qui se déguisent en cowboy. On s'était déguisés, voilà. Ouais, et on nous a dit, tout de suite, on a été vus comme des rednecks, quoi. qu'on n'est pas. Mais dans le mauvais sens du terme, effectivement, ouais. Voilà. Et là, les prochaines dates, vous allez demain, barouder dès demain, d'accord. Demain, aux American Days de Sainte-Maure. À Noître. Noître. Attends, je sors les dates. Comme ça, on donne tout. Après, t'en as une. Chouzy dans le Loir-et-Cher, un festival Harley. Ouais, mais il y en a une qui est intéressante, c'est le 4 juillet, le jour de la fête américaine. Bien, je ne suis pas fan de Trump du tout, mais le jour de la fête américaine, le 4 juillet, on joue chez les Desperados à Romilly-sur-Seine. Les Desperados, c'était le club fondé, Harley, fondé par Johnny Hallyday. Ah, d'accord. Donc voilà, donc ils continuent l'histoire, eux. Et puis, donc, on va jouer le vendredi 4 juillet. Super. Là-bas. Et le lendemain, on joue, en plus, ouais, on enchaîne une date le lendemain du côté de Rennes. Voilà. Ah, bon score, non, c'est pas ça. Ah, la merde, le 5 juillet. Et après, la dernière date qu'on a pour l'instant, c'est au mois d'août. Le 9 août, à côté de Lorient, ça va être pendant le festival interceltique, mais c'est pas le festival US interceltique. Bike à Pont-Scorff. C'est à Pont-Scorff, à côté de Lorient. Donc, avec la chanteuse blues qui était là tout à l'heure. Adi. Voilà, qui joue au même endroit que nous. Génial. Le 9 août. Et d'ailleurs, le 12 juillet, on joue avec les potes de Natchez et des Red Daff aussi. Voilà. C'est les amis qui jouent la même musique que nous et quelque chose près. J'ai là, si tu veux. Il manque le 5 juillet, mais j'ai les dates. Là. Alors, on a effectivement tout plein de dates. Le 12 juillet, donc avec Natchez à Chouzy. Le 9 août, c'est à Ponce Corf, effectivement. Ouais. Bah voilà, bah alors du coup après il faut faire défiler, c'est ça? Ouais. Ah non, même pas. Non, parce qu'on a pas une tournée mondiale encore. Non, parce qu'après il y a un peu de vacances. viendront certainement d'autres dates, mais après il faut qu'on bosse l'album avant de rentrer en studio. Ouais. Voilà. Donc normalement il rentre en studio début septembre, donc le mois d'août va être passé à répéter quand même. Ah oui, c'est ça, le 5 juillet c'est Duke Country Festival à La Couillère. Ouais, dans le 35. Ça. J'aime bien ce terme. Pour ceux qui ont la ref. Tu n'as pas physiquement notre dernier album, en fait. Eh ben non. Je n'ai pas physiquement le dernier album. On va aller t'en chercher un. Oh là là, super. Mais est-ce que tu as un lecteur CD? C'est ça la question. Oui, on est encore équipé de ces choses-là. Vous pouvez faire des sondages sur votre radio. CD ou vinyle? Voilà, c'est ça le sondage. Envoyez au 33 votre réponse. Bah en tout cas, ça fait super plaisir de vous rencontrer sur ce beau festival. Vous avez eu un bon accueil. Est-ce qu'ils sont cool, les gens de Guitare en Chair? C'est la famille. Hein. C'est la famille, c'est Yann, c'est Gérald. C'est... Ouais, bien sûr, c'est la famille et Christophe à la sono. Ouais. C'est une petite famille, en fait. Hein. Ouais. On sent que c'est vraiment un truc... C'est une petite aventure qu'ils ont envie de faire tous les ans. Hein. Mm. Et ils donnent tout. Ils donnent tout, voilà. C'est ça. Et super bien reçu, évidemment. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. On espère qu'on va être à la hauteur tout à l'heure. Hein. Mais oui. Mais on n'en doute pas. En plus, il fera un petit peu moins chaud. Vous serez au summum de votre potentiel. Hein. Oui, on aura tout enlevé. Toutes les toxines seront parties de notre corps. Et puis, de toute façon, s'il y a besoin de quoi que ce soit, il y a Dom. C'est ça. Exactement. Il est là, il gère les besoins. Si on se pète un bras, il peut faire le plâtre, il n'y a pas de problème. Bon, on n'a pas beaucoup entendu Dom, parce que du coup, figurez-vous que sur un studio mobile avec Radioactive, on n'a pas 50 000 micros, mais... Mais il y a beaucoup de couleurs. Tu nous dis un mot. Oui, en effet. Tu nous dis un mot, Dom, sur cette belle aventure avec Calibre 12. Oui, alors moi, c'est pareil, ça fait un bail aussi, Calibre 12. Pour la petite histoire, c'est que j'habitais sur Paris jusqu'en 92 et je connaissais déjà Calibre 12. J'avais moins un an. J'avais des amis qui habitaient sur la Touraine et qui m'ont fait découvrir Calibre 12. Et un jour, je suis arrivé en Touraine et. Concert, festival, Calibre 12, je me suis mis devant la scène et puis bah voilà quoi. Ouais. J'ai sympathisé avec eux, on a discuté et puis je les ai jamais lâchés quoi depuis. Et depuis, il n'a plus de foi. Donc je me suis retrouvé, de fil en aiguille, aller les voir en répète, on a sympathisé et puis avec notre ami John, défunt John qui est parti, c'est lui un jour, on est parti faire un concert, j'avais aidé juste pour le matériel. Transport des gens et puis il m'a dit Dom tu prends la sono, c'est toi qui te mets derrière la table et puis tu fais le son. Ok. Je peux dire que là j'avais quand même je flippais, mais ça s'est pas trop mal passé, puis ils m'ont gardé depuis. Voilà, je suis pas un pro, j'ai tout fait, je suis en autodidacte de partout, mais bon voilà. Et puis c'est une bande d'amis, c'est des potes, c'est on peut pas voilà. Je peux pas lâcher ça, c'est une famille. Voilà, c'est tout. C'est joli ce qu'il dit de vous, là. Bah oui. T'es chouette. Hein. Je vais chialer, bordel. Eh ben les gars, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps. Alors moi, je suis Marlène, responsable d'antenne sur Radioactive. Et je suis contente d'être là aujourd'hui. Je remercie aussi toute l'équipe de Guitare en Chair. Puisqu'avec Vincent, on a eu le plaisir de les recevoir. On les connaît aussi, hein, on les connaît bien. Ouais. Et Vincent, alors, parle-toi de toi. C'est dur à dire cette phrase. Oula, on prend au dépourvu Vincent, responsable de la partie technique sur Radioactive. Voilà. Bravo. Très bien. La petite famille aussi. Et pareil que Dom, autodidacte. J'ai eu aucune formation. On m'a tout appris grâce à l'ancien technicien qui. Sur le tas. C'est ça, sur le tas. Bah, bravo à toi, Vincent. Bah, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre en écoutant un titre de Calibre 12 qui est Ride the Horizon. Alors, je ne sais pas si on est... Parce qu'en fait, vous êtes passé chez nos copains de Rockin' Chargé. Il y a eu une super vidéo qui a été faite par Ben Moot, que vous avez sûrement vu circuler. Oui. Et en fait, on a extrait ce son qu'on trouvait vraiment très sympa. Ah, ok. Ride the Horizon, oui. D'accord. Qui est le premier morceau de l'album. C'est la version studio de Chargé, c'est ça? C'est la version studio de la version studio de la. Ouais, pourquoi pas. La version live de Charlie. Ah, dur. Ok. Eh ben, vas-y, envoie alors. Allez, ouais. On envoie. Merci beaucoup. Je vais merci à vous. Ciao, on se retrouve sur les réseaux. Calibre 12. Merci. Wow. Toi, c'est la fraise, toi, c'est la banane. Citron, s'il te plaît. Bien la menthe, quand même. Est-ce que vous aimez la tarte au concombre ? Non, c'est pas bon. Non, alors le concombre, tu oublies. C'est enregistré. On me dit dans l'oreillette que c'est enregistré. Alors, bah, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent bien le festival Guitare en Chair, ces trois voix qu'on vient d'entendre faire les petits oiseaux là derrière nous, c'est Gérald, Sylvain et Florian. Comment ça va, les garçons ? Okay, il fait chaud. Il fait chaud. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Mais ouais, vous êtes dans votre élément là. Alors, on est dedans. Ça y est, on est parti. Et ça, malheureusement, ça va s'arrêter très très vite. C'est le problème, c'est que ça va toujours c'est très vite. C'est comme un feu de paille. Il faut qu'on fasse sur deux jours ou trois jours. Ouais, mais il y a le projet de guitare en kilt qui a été suggéré là juste avant, c'est pas idiot finalement. C'est pas bête. Sylvain qui m'a Sylvain a mis son veto, mais Je me demande si j'ai pas une année. La majorité démocratique impose que voilà, tu seras tellement mieux. Mais quelle idée. Bon, au niveau de l'orga, vous êtes content ? Oui. Oui. Ouais. Ouais, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais ça c'est normal. Ouais. Mais rien d'insurmontable. Ouais. Quel festival n'en a pas en exactement. Même temps. Ouais, c'est vrai. Exactement. Mais c'est pas, ce ne sont pas des gros problèmes. Au niveau de l'ambiance, vous êtes satisfait de l'ambiance ? Oui, toujours. Oui. C'est familial, c'est convivial, c'est comme on aime. C'est vraiment ce côté familial. Bah, on vient d'entendre les enfants sur scène, etc. Bon, là, c'était quelque chose d'un peu plus sérieux avec le discours un petit peu officiel. Bon, on faut remercier les gens. Il faut y passer. Et puis, des discours qui étaient certes officiels, mais relativement dans une ambiance très détendue. Tout à fait. On n'a pas vu nos gros officiels, monsieur le député, monsieur le sénateur, étaient attendus. Ils se sont excusés. D'ailleurs, vrai que j'en ai pas parlé. On n'en a pas parlé au micro, mais ils se sont excusés. Ils avaient été sur d'autres événements, apparemment. D'accord. Ils viennent tous les ans, donc ils peuvent faire une pause. On leur accorde un petit peu de tranquillité. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Moi, ça y est, c'est la chaleur. Florian, il se marre, mais on t'a pas entendu. Tiens. Qu'est-ce que tu penses de la journée, Florian ? C'est une belle journée. Et tant qu'on se marre, tout va bien. Ouais, c'est le principal. En tout cas, nous, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs artistes. Et ils sont tous super, super satisfaits de l'accueil sur le festival. Et c'est important. Et vous pouvez l'entendre dans les podcasts. Vous allez être... Surpris. Vous allez être... Ah, je suis pressé d'écouter ça. Tarie des loges. Parce que vraiment, ils sont hyper contents. Et ils sont peut-être aussi un peu faillots. Mais on verra. Mais je crois pas. on a les calibres. Ils nous ont dit, c'est la famille. C'est exactement ça. Donc c'est chouette d'arriver à... Et c'est très réciproque en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, on reçoit les artistes, ils sont bienveillants, ils ont le sourire, c'est comme si c'était des potes alors qu'on les connaît pas. Enfin moi perso, je les connais pas quoi. C'est super, non chouette. Vraiment, très bien. Puis il y a quelque chose de très chouette aussi, c'est que ce qui a inauguré un petit peu cette journée, ça a été la prestation des jeunes sur la petite scène de l'école de musique, donc Amboise, Bléré, Vouvray. Mont-Louis. Il n'y avait pas Vouvray, laissez tomber Vouvray. D'accord. Et alors, du Rage Against the Machine, on a eu... alors, toi, tu étais à la masterclass à ce moment-là, Gérald, mais le set, en fait, il était composé de ça. Ouais. On a eu du Radiohead. Ouais. Excuse-moi, c'était le club du collège de Bléré. Collège de Bléré. Alors, ne confondons pas tout. Merci, Florian, de remettre les choses dans leur vrai contexte, parce que je dis beaucoup de bêtises. Non, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, ce qu'on s'est dit... En les voyant avec leur t-shirt Nirvana, ça m'a rappelé Gérald. Notre jeunesse. Beaucoup. Le rock n'est pas mort, la relève est assurée. Oui, et c'est un axe qu'on tient depuis 4 ans. On tient à avoir les écoles de musique, pas forcément les pros, mais les amateurs. On veut que tout le monde puisse venir s'exprimer. Et quoi de mieux quand on est collégien que de finir sur une scène de festival ? Moi, j'aurais aimé avoir ça à mon époque, on n'avait pas. Et le fait que nous, on puisse le faire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et on a une surprise. Tant que ça soit diffusé, on peut le dire ici. L'année dernière, j'ai fait le masterclass. Et pendant le masterclass, je fais le tour des élèves, voir leur niveau et depuis combien de temps ils font de la guitare. Et il y en a un qui a dit, moi, j'ai commencé la guitare l'année dernière après être venu sur Guitare en Chair. Ça nous a fait chaud au cœur. Magique. C'est la surprise. Il vient ce soir jouer avec nous sur le dernier titre. Donc, on lui fait la surprise. On lui dit, tu veux venir jouer avec nous, avec Nono et tout, sur machin. Il est content. On essaye de faire perdurer cet esprit de musique à nos plus jeunes pour qu'ils puissent aller vers ça. Parce que je ne vais pas dire qu'on ne les aide pas dans l'éducation nationale, mais la flûte à bec, c'est bien. Hein, on en a tous fait. Mais il faut que des moments comme ça puissent exister pour eux, pour leur donner goût à la musique. Mais c'est vrai qu'après là, on rentre un peu dans la technique, c'est pas forcément évident au niveau de l'éducation nationale, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait des gens un peu spécialisés aussi. Faire d'autres choses que de la flûte à bec. Oui, après, et là c'était le cas d'ailleurs aujourd'hui, il y avait Laura qui était là en intervenant. Oui, mais c'est des gens de Civray, c'est des gens bien. En tout cas, Madame Le Maire, qui était là, qui a fait un joli discours, un vrai soutien. En même temps, vous connaissez bien, vous voyez un petit peu souvent. Un petit peu tous les lundis, tous les. Oui. Ah bah c'est super. Bah en tout cas, on a aussi le plaisir de voir plein de bénévoles qui circulent avec leurs t-shirts guitare en chair. Magnifique guitare au-dessus de la scène aussi. C'est vraiment une belle déco, un site magnifique. Et vous le soulignez, vous l'avez tous dit les uns après les autres, bravo à tous les bénévoles. Oui. Et oui, sans eux. C'est hyper important. 67 bénévoles, apparemment, on m'a dit tout à l'heure dans l'oreille. Donc, ça c'est chouette. Ça, c'est vraiment très, très, très chouette. Et franchement, par rapport aux 4 années, donc la 4e année étant celle de là, on est serein, quoi. C'est-à-dire que les bénévoles, là, ils se débrouillent. Franchement. Autant dans les premières années, il fallait courir un peu. Hein. On entend par-ci, par-là, Florian, Gérald et Sylvain, mais c'est normal. Mais ils sont bien plus autonomes quand même que, on va dire, l'année dernière ou les années d'avant. Donc ça, c'est chouette. Super. Ça, je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Florian également. Oui. Oui, ben, un grand merci à eux, parce que sinon, ben, on n'irait pas très loin. Quoi. Eh oui. Eh oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, un petit peu d'émotion, excusez-moi. Et puis, les voir, ce qui est important, c'est de les voir surtout avec la banane, au final. Mais oui. Voilà. Ça, bah oui, puis d'en profiter, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilisation, beaucoup de travail pour quelque chose qui est très éphémère, mais pas dans les cœurs, finalement. Tout à fait. Ça pourrait inspirer une chanson, ça. Oui, tout à fait. Hein, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Bon, bah les garçons, je ne vais pas vous embêter plus. Un petit mot pour votre public. Eh ben, on le remercie chaleureusement. On sait que sans lui aussi, bah, y a pas de festival. On est tous les ans toujours étonnés qu'ils soient tous au rendez-vous et qu'ils viennent à chaque fois et qu'ils nous remercient sur la qualité du festival, de la programmation. Donc merci à vous, merci de revenir tous les ans. On a des fidèles au festival, mais là j'ai remarqué quand même très rapidement, j'ai remarqué qu'on avait des nouveaux visages, des gens qu'on n'avait pas forcément vus. Donc ça veut dire une chose, c'est que ça commence du coup à s'écarter un peu, à se savoir. Donc ça c'est chouette. Alors même si on ne le fait pas forcément pour ça, hein, comme on disait tout à l'heure, on veut que ça reste un festival familial, mais on est super contents. Tout à l'heure, quand j'ai vu à partir de 15h, 15h30, les parents qui arrivaient avec les enfants, etc., on commençait à voir une masse de gens qui arrivaient. Ouais. Et vous allez voir que là, d'ici une heure, parce que de toute manière, il y a la chaleur aussi qui fait que les gens, ils attendent peut-être le dernier moment pour venir. Mais ce soir, ça va être un peu noir de monde devant la scène. On s'en doute. La bière va couler à flot. Oh oui. Et les softs également. Et les softs et les frites. À boire avec modération. Absolument. Eh ben merci beaucoup pour votre intervention à tous les trois. Merci de nous avoir invités aussi parce qu'on est hyper contents. On passe un super bon moment. On a pu échanger avec des groupes. Enfin voilà, vous découvrirez tout ça par la suite. On est très très contents. Et puis bah, voilà, on va vous laisser aller vaquer à vos occupations diverses. Je crois qu'il y a une histoire de TPE à aller régler. Oui, les sous-sous, voilà. Il y a un problème de branchement, c'est rien. Un grand, grand, grand merci à vous. Oui, merci Radioactive, notre première année ensemble. On espère plein d'autres. Voilà. Avec plaisir. Et bah voilà, c'est acté, c'est signé. Bon, et bah super. Merci. Et bah merci à vous. Merci le trio guitare en chair. Merci Gérald, Sylvain et Florian. Et bah tiens, on va continuer avec un morceau de Gérald. Qu'est-ce qu'on a là-dedans de Gérald? Alors Gérald, est-ce qu'on serait sur Just Like? Ouais, Just Like. Et bah on y va. Thank you. drifting away. He didn't tell me what I'm supposed to do to make you feel a bad way. Will you tell me what you wanna do? Be more specific in what you say. I can't understand, I'm like a fool. So should I leave or should I stay? Just do it. But do you really know what you need? It makes me crazy, it makes me sick. Whatever I try, I just fail. Alors, on poursuit avec ces magnifiques rencontres artistiques qu'on fait aujourd'hui sur ce festival Guitare en Chair et on est en compagnie de Adi One Woman Band. Bonjour Adi. Salut. Alors, pour commencer, bravo. Merci beaucoup. Franchement, déjà, avec la chaleur, c'est pas hyper évident. Ça devait dégouliner sur scène. Oui. Mais t'as tout donné. Merci. On a beaucoup aimé. On s'était mis un petit peu à l'ombre, un peu plus loin. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Mais c'est fabuleux. Alors Adi, elle n'est pas toute seule. Qui t'accompagne aujourd'hui? Dans le off que vous ne pouvez pas voir, il y a mon petit garçon de 4 ans qui est avec moi et qui a très envie de répondre à l'interview à ma place. ça parle pas. Bah oui, on a coupé le micro, petit bonhomme. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Tiens, tu le dis dans mon micro, tiens. Yaël. Voilà. On te le passera après. Yaël, il y a vachement envie de répondre aux questions à la place de maman. Alors, Adi, pour la décrire, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle combine la guitare, ou cigar box, percussion au pied et une voix d'une puissance incroyable. Mais moi, la première fois que j'ai entendu Adi One Woman Band, j'ai dit au gars de l'orgage, j'ai dit, mais elle parle français, enfin, c'est une vraie cowgirl americano qui arrive vraiment des States. De l'Amérique. Et en fait, non, à une heure de Paris, c'est ça? Ouais, j'ai grandi en Seine-et-Marne, mais j'habite à Tours. Ouais. Ah ouais, ah bah c'est vraiment super. Donc, le style fusionne entre blues, boogie, rock'n'roll, ouais, avec des thèmes autour de l'expérience féminine. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Oui, oui, oui, effectivement. Bah, en fait, c'est le plus facile pour moi de parler de ce que je connais le mieux, en fait, donc ouais, d'être une femme. Avec notamment un titre qu'on a pu voir sur scène tout à l'heure qui s'appelle « Me Too ». Alors, il s'appelle Johnny the Rapist, mais effectivement, il parle de violence sexuelle et particulièrement du viol que j'ai vécu quand j'étais petite, ouais. Ah ouais, ouais. Donc là, effectivement, on peut pas l'exprimer mieux que par la musique. Mais par contre, t'as pris la grosse tête. Alors voilà, elle nous a expliqué. Moi, maintenant, j'ai un melon pas possible. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, j'aime bien raconter ça sur scène. Je dis que j'ai pris un melon pas possible parce que j'ai gagné le Challenge Blues français il y a un an dans la catégorie solo duo. Et ce challenge m'a mené à aller me produire pendant une semaine à Memphis aux États-Unis pour l'International Blues Challenge. Non mais alors raconte-nous un peu quoi. On a envie de savoir. Enfin, c'était la première fois aux États-Unis. C'était ma première fois aux États-Unis effectivement et ça a été une expérience extraordinaire parce que déjà j'en ai profité pour allonger un peu mon voyage et aller faire un pèlerinage dans le delta du Mississippi où est né le blues, voilà, et voilà, les plantations et tout ça, et me recueillir sur les lieux de vie ou de mort de mes artistes préférés. Et puis après, l'International Blues Challenge à Memphis, pendant une semaine, il faut imaginer à peu près 450 musiciennes et musiciens venant du monde entier, venus pour jouer du blues, des blues tout à fait différents, voilà, avec plein d'influences différentes, parce que des quatre coins du monde, donc c'est assez extraordinaire. Et c'est l'image que tu en avais avant d'y aller? Vraiment, tu as retrouvé ce qui était imprimé dans ton esprit? Alors, je ne sais pas si on peut l'imaginer. Vraiment, je ne sais pas je peux l'imaginer. Ouais. Déjà, le voyage dans le Mississippi, ça m'a ému plus que je ne l'aurais imaginé. Vraiment, j'ai pleuré souvent. Et pas forcément de tristesse, hein, parfois de joie, vraiment. Et puis le challenge, l'International Blues Challenge, je ne m'attendais pas à une telle énergie, en fait. C'est vraiment, ça crée une synergie extraordinaire. Et j'ai reçu un accueil qui était fou, en fait. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'énergie. Ouais. Quelle jauge t'as joué devant combien de... Alors, des petites jauges, parce que moi, j'étais dans la catégorie solo. Donc, le challenge se passe dans des clubs de Beale Street, qui est la rue emblématique de Memphis, qui est bordée de clubs de blues. Et selon si on était en solo ou en duo ou en groupe, on jouait dans des clubs de plus ou moins grande taille. Oui. Donc moi, en étant en solo, je jouais dans des petits clubs, mais des petits clubs, on devait être à une centaine de personnes chaque soir, voilà, au minimum. Et donc une énergie hors du commun. Oui, ouais, ouais. Et ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de scène? Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de scène. Ça restera gravé, très certainement. Ouais, c'est clair. J'ai joué en plus dans un club vraiment historique avec des guitares d'artistes extraordinaires accrochés au mur. Voilà, ça c'était quand même. Donc oui, ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs. Même le Challenge Blues français, voilà, ça restera aussi dans mes super souvenirs. Et y a quelques festivals aussi qui m'ont fait chaud au cœur, quelques scènes, quelques clubs qui en France aussi qui sont hors du commun et qui resteront gravés. Ouais. Tout à l'heure, je posais la question aux copains de Calibre 12 hein, qui vont jouer un petit peu plus tard dans la soirée de savoir que s'ils devaient, s'ils avaient la possibilité de claquer des doigts et de se produire avec un artiste vraiment mythique. Qu'ils admirent particulièrement, mort ou vivant d'ailleurs, lequel serait-il? Et toi, si je te pose cette question-là? Moi, ça aurait été Janis Joplin. Ah ouais. Ah ben, entre deux puissantes voix, vous auriez pu faire un truc génial. Elle m'aurait sûrement appris quelques trucs. Ou peut-être l'inverse. Hein. Allons savoir. Eh ben, c'est super. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore Adi, One Woman Band, pardon, ça y est, je perds mes mots, où peut-on te découvrir? Alors, on peut me suivre. Il est triste parce que j'ai le micro jaune. Il voudrait avoir le micro jaune. Ah mince. Ah là là. Mais alors, on peut me suivre sur les réseaux, déjà, sur Facebook, Instagram. J'ai un site internet aussi, adi-musique.com. Et puis, donc, toutes les dates de ma tournée sont affichées. Je tourne dans toute la France. Donc, voilà, je ne sais pas d'où vous nous écoutez, mais c'est possible que je passe près de chez vous. C'est génial. Eh ben écoute, super, un grand merci. On a ce petit bout de chou qui réclame très fort sa maman et on le comprend ô combien avec cette chaleur en plus. En tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes. Merci, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Eh ben avec grand plaisir et nous, justement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, eh bien on va écouter. Alors Adi, tiens, si je dois te... On en a trois. Tu vas me dire laquelle on va s'écouter. Il y a Gemini Blues, évidemment. Il y a Dead Man Body ou Symphonie. Je dirais Dead Man Body parce que c'est le single de mon EP là, qui vient de sortir et avec un clip dont je suis très fière qui tourne sur le YouTube. Et bah, autant être à jour. Et donc, on va écouter cette chanson. C'est Adi Woman, One Woman Band, décidément. écoutez, ouvrez grand les oreilles et montez le son parce que franchement, ça envoie du lourd. C'était Adi One Woman Band qu'on vient d'écouter avec ce titre percutant et cette voix profonde et puissante. Adi, qu'on a eu plaisir à avoir avec nous il y a quelques instants sur cette antenne. Et puis bah, maintenant, on est avec les jeunes du groupe de rock de Bléré, du collège de Bléré. C'est Réfléchoir le collège de Bléré ? Oui. Ah, c'est ça. Donc on est avec, attention, le barbu. Bonjour. Bonjour. Et avec Swiffer 3 Décline. Bonjour. Alors, faut pas que t'hésites à parler un petit peu plus fort, sinon on n'entendra pas grand-chose. Alors, les gars, bravo pour votre prestation déjà. Merci. Donc, je sais qu'avec vous, il y avait Baptiste et Élise, hein, oui, si j'ai bien noté et les Boto, bons noms. Et Boto, le batteur. Et Boto, le batteur. Vous avez fait une super performance. Alors, ce que je trouve très chouette, moi, je vais vous le dire, et on en a parlé d'ailleurs avec les organisateurs, vous réécouterez dans le podcast, mais c'est de vous voir arriver avec le t-shirt Nirvana, le t-shirt Iron Maiden, de nous reprendre sur scène des morceaux de Rage Against the Machine, de nous faire du Radiohead. Et on se dit, mais le rock n'est pas mort, la relève est bien là. Et en plus, on a fait exprès, on s'était organisé pour mettre tous un t-shirt de métal ou de rock. Ou de rock. C'est des groupes que vous aimez quand même, malgré le fait que vous en jouez. Ouais. Oui. Et alors, le répertoire que vous avez proposé, c'est des musiques que vous, vous proposez de jouer? Ou alors, c'est je ne sais pas, quelqu'un, un prof, quelqu'un qui encadre ça et qui vous oriente un petit peu sur des titres? Je dis, ouais, tu dis. Bah, en fait, donc, on a un professeur qui nous encadre. Ok. Et on lui propose les chansons qu'on voudrait jouer, qu'on aime bien. Et donc, on regarde en fonction de combien on est, etc., si ça peut se faire ou non. Et donc, on se décide sur quelles chansons on fait en fonction de ce qu'on peut faire ou non. Mais donc, ça émane bien quand même de votre, de vos souhaits à vous, en fait. Hein. C'est vous qui choisissez. Mais c'est rigolo parce que je trouve ça génial. Alors. Mais vous écoutez ces musiques-là, toi, par exemple, tu écoutes Nirvana ? Alors, oui, j'ai mis un t-shirt Nirvana, mais... Mais j'écoute pas, je déteste en fait. J'écoute, mais pas toute leur musique. Ouais. J'écoute d'autres groupes, bien sûr, c'est juste. Mais le rock, ça fait partie quand même de tes musiques de prédilection? Ah oui, ouais. Oui, bien sûr, oui. Ouais, d'accord. Et toi? Alors, moi, je suis plus extrême, je suis plus dans le métal, mais donc je suis plus métalleux, mais sinon j'écoute un peu tout quand même, un peu de blues, du rock, des chansons un peu plus douces. C'est bien. Et des fois, même des trucs un petit peu perchés, comme de la musique très électronique ou souvent des vieux groupes ou ce genre de choses, mais je suis plus métal et rock. Bah c'est bien, il faut s'ouvrir à plein de choses. Et puis, alors je vois que c'est la personne qui est à côté, c'est une maman de... c'est un moment. Alors est-ce que par exemple, si t'aimes le rock aujourd'hui, c'est parce que maman elle en écoutait pas mal à la maison par exemple? Pas forcément. Pas forcément, non. Donc c'est vraiment quelque chose que t'es allé chercher toi, que t'as découvert C'est ça. Enfin, j'ai... À guitare en chair. Ah, t'as découvert ça à guitare en chair. C'est ça. Enfin, j'ai commencé à la guitare il y a 2 ans. Grâce à justement une guitare en chair qui m'a beaucoup motivé. C'est toi ? C'est moi. Mais alors, on nous a parlé de toi déjà plusieurs reprises. Gérald nous a parlé de toi. Est-ce que c'est une grande, grande fierté pour les gens de l'organisation de se dire qu'il y a des jeunes qui se sont mis à la musique grâce au festival ? Enfin, pour des organisateurs, c'est absolument génial. Ouais. Eh ben écoute, hein, super, bravo. Et alors du coup, est-ce que en dehors du club, en dehors du collège, hein, vous faites de la musique ? Oui. Ouais. Et comme ça, chez vous, dans votre chambre, où il y a un projet vraiment de groupe qui pourrait... Parce que là, en fait, le groupe, il existe en dehors du collège, là Oui, c'est ça. Mais ouais. Après, souvent, on va chez, par exemple, Gabriel, chez Boto, chez... Les uns chez les autres, quoi. C'est ça. Ouais. Et l'année prochaine, on a prévu de faire quelque chose dans le garage... d'un pote. De bassiste, justement... qui va nous prêter son garage pour qu'on puisse mettre trop bien. Répéter là-dedans. Un petit local de répète. C'est ça. Oh là là, mais vous savez que ça démarre comme ça, puis après, des fois, c'est des stades. Mmh. Alors, aussi, je voudrais apporter une précision par rapport à la formation qu'il y a actuellement. Il y a un membre du groupe qui change, en tout cas... pour des raisons internes au groupe. Oui, bon. C'est pas très intéressant, en fait, les raisons, c'est surtout pour ça. Mais c'est, voilà, pour la précision. Donc le groupe, il y aura quelqu'un qui sera plus là, enfin, qui va changer. Mm-hmm. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez repris que des titres quasiment interprétés, que je dis bien quasiment, il me semble, parce qu'il y a des moments où j'étais peut-être moins attentive avec le studio radio, mais des titres masculins, et Élise, elle assure là-dessus, hein. Oui, mais en fait, c'est plutôt au niveau de son caractère. En fait, en dehors du groupe, ça colle pas avec le nôtre. Ça, en fait, il y a souvent des conflits, etc. Ah, et d'accord. Ça colle pas avec le nôtre. On n'est pas assez en phase avec elle. Elle veut pas comprendre certaines choses. On veut pas comprendre alors, certains attends, trucs aussi. Alors, attention, c'est pas le tribunal pour elle, là, sur cette émission. Mais bon, en tous les cas, il faut reconnaître que voilà, il y a eu une jolie petite prestation tout à l'heure qui a été faite. Oui. Et ça vous donne envie d'être bénévole sur un festival, d'être sur scène sur un festival, encore mieux. Oui, carrément. Oui. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, justement, je monte sur scène tout à l'heure. On nous a dit ça, mais je savais pas si tu le savais, donc j'ai rien dit. Du coup, oui, je le sais. Bon, c'est pas mieux. Nous, Gérald, hein, qui va réécouter évidemment ce podcast. Nous, on n'a rien balancé, on n'a rien lâché. Hein. C'est pas ça, vient pas de nous. Si vous aviez un petit message à donner à des plus jeunes que vous, qui hésitent à se mettre à la musique, alors, qui font peut-être du sport ou d'autres choses, vous leur diriez quoi ? avec Tito Labat qui va... Mettez-vous à la musique. C'est génial, vous épanouirez bien. C'est super intéressant. Si vous accrochez à un instrument ou à une passion, faites-le. Vous verrez, vous ne ressortirez qu'avec du positif. Eh ben, c'est super. Eh ben, bravo, bravo, bravo. Puis on espère que après la reprise, il y aura peut-être des envies de compo. C'est peut-être déjà le cas. On avait déjà essayé une fois de faire, de créer une musique. Par nous-mêmes, mais on ne l'a pas vraiment trop fait. Finalisé. Ouais. C'est ça. Ouais, okay. Et vous avez commencé. Vous avez participé à la masterclass avec, avec Nono tout à l'heure, Norbert Krief, évidemment, donc, célèbre guitariste de Trust. C'était bien. Oh oui. Est-ce qu'il est pédagogue ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Ouais, c'était nickel. Ouais. Ouais. Ah, c'est un chouette bagage quand même. Hein. Ouais. Super. À mettre dans votre CV de futur musicien pro. C'est ça. Et ben, merci beaucoup les garçons. Ça va démarrer sur la grande scène avec Tito Labat qu'on a eu le plaisir d'avoir tout à l'heure aussi sur cette antenne. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de bruit derrière. Bah, merci beaucoup et puis longue vie à votre parcours musical. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors il y a de l'ambiance derrière bien évidemment puisque sur le festival Guitare en Chaire l'idée c'est que les artistes jouent sur la grande scène et c'est le cas pour le moment avec Tito Labat, un super artiste qu'on aime beaucoup. Pardon Vincent ? Tito Labat. Eh ben c'est voilà, alors si je dis des bêtises, ça va pas aller du tout. Désolé Tito, hein, qui va réécouter ce podcast, évidemment. Alors on est en compagnie maintenant de Fanny Hermanche. Fanny est maire de Civray de Touraine. Bonjour. Bonjour. Le festival Guitare en Chaire a désormais plusieurs éditions à son actif. C'est la quatrième édition cette année. Et ça change quelque chose à votre commune ? Ça apporte une vraie plus-value ? Ça apporte une plus-value, ça apporte de l'ambiance, ça apporte de la cohésion. On voit les enfants qui chantent sur la scène, les parents qui arrivent, les grands-parents. Ça fait une vie de famille. Vous avez des retours justement des habitants de la commune ? Oui, j'ai des retours souvent et très positifs. Surtout en général le lundi après, j'ai pas des appels forcément, mais des mails qui circulent et ils remercient la commune. Alors que c'est une association maintenant qui gère, même si l'association est gérée par quelques conseillers. Ouais. Et voilà, c'est quand même un ensemble. Mais justement, vos conseillers, donc Gérald, Sylvain, oui. Florian, ils nous disaient qu'il y avait une réelle implication de la mairie dans l'orga, puisque la logistique, le financement, la com, tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous apportez votre soutien. Tout à fait. Moi, je suis très favorable pour que les associations vivent et fassent vivre la vie du village. Donc, je suis très positive là-dessus. Le festival, il rayonne même, évidemment, au-delà de Civray. Alors, au-delà de Civray, certainement, le festival Guitare en Chaire, étant donné qu'il y a... il y a des artistes un petit peu partout. Je dirais que même il y a des artistes comme James Jäger qui était venu l'année dernière. Comment il s'appelait Alors là, vous me collez. C'était un grand artiste qui était venu des États-Unis, etc. Et que c'était vraiment très bien. Ouais, comme quoi. Voilà. Et alors, madame le maire de Civray, Fanny. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, chez vous, comme musique ? Vous êtes plutôt rock ? Vous êtes plutôt... Vous allez être déçus, je n'écoute pas de musique. Vous écoutez pas de musique ? Non. Vous n'avez pas le temps ? Premièrement, j'ai pas le temps, mais en plus, moi, ça m'adoucit pas forcément. Juste les berceuses pour endormir mes petits-enfants. Eh ben, écoutez, c'est une belle réponse. Mais alors... j'adore voir les gens écouter la musique, c'est être devant, être heureux devant. Et ça, rien qu'à de les voir, ça me fait plaisir. Vous appréciez ce que vous entendez quand même ? Tout à fait. Bon, tout à fait. Donc je n'irai pas dire que je fais mieux qu'eux. Hein. Mais moi, à mon avis, connaissant un petit peu vos conseillers, vous allez être converti rapidement. Je doute. Eh ben, le challenge est pris. Ben, écoutez, merci beaucoup, Fanny Hermanche. Voilà. Donc, maire de la commune de Civray de Touraine, avec ce magnifique site aujourd'hui qui accueille beaucoup de spectateurs. Et ça arrive doucement, ça arrive doucement. Voilà, il y a eu de la fréquentation par vague hein, dans la journée, puisque Évidemment, on a pu constater que les parents étaient venus voir leurs enfants tout jouer. À fait. Là, il y avait un petit peu la rue, la ruée. Mais ce soir, à partir de 20h, ça va être, j'irais presque blindé. Et puis à 22h, 23h, et au moment du feu d'artifice, il y aura beaucoup de monde. Vous restez jusqu'au bout ? Je reste jusqu'au bout. Merci beaucoup, Fanny Armand. Merci, Jean. À bientôt. Au revoir. À bientôt. J'allais dire, on va continuer, on va poursuivre avec, parce qu'on l'attend avec impatience, on va quand même s'écouter un petit antisocial, Trust évidemment, un live qu'on va écouter en espérant retrouver Norbert Krief dans quelques minutes, qui est très attendu sur ce site, mais il a beaucoup bossé hein, puisqu'il a fait la masterclass cet après-midi avec les jeunes qu'on a eus à l'instant, qui étaient hyper contents aussi d'avoir pu faire cette masterclass avec lui et avec Gérald. Alors c'est parti, Antisocial Trust en live. Oh! On est en direct sur le festival. Okay. Ouais, on est en direct, mais les auditeurs entendront une émission en différé. Mais c'est pas très grave. Nous, on vit le moment. Ouais. Et c'est ça le plus important. C'est ce qui est plus important. Exactement. Alors, plutôt que ce soit moi qui présente l'invité qui est à présent autour de la table, je vais te laisser faire, hein, Gérald. Alors, je vais vous présenter mon ami Gérald Moisan. Grand guitariste, musicien, humaniste et talentueux et personnage haut en couleur. Non, je prends vraiment plaisir et du fond du cœur. Pour la deuxième fois, on a le plaisir d'accueillir Norbert qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là pour les masterclass et pour nous accompagner sur le final de Folie avec Feu d'Artifice. Et la première fois, il y a deux ans, c'est toujours étrange d'inviter quelqu'un qu'on admirait à dos. C'est clair. Qu'on a écouté et qu'on se dit ouais il va venir. Alors on appréhende toujours, est-ce qu'il va être cool, est-ce qu'il va pas être cool, est-ce qu'il machin. Fait t'étais une vraie crème et on s'est dit celui-là faut le réinviter une fois. Bon, c'est gentil, j'apprécie. Et t'as dit oui tout de suite, je me suis dit c'est qu'il a quand même aimé un petit peu quand même. J'apprécie tout de suite. Voilà. Alors je m'appelle Norbert Krief, on m'appelle Nono. Oui. J'ai fait un groupe, alors juste pour me présenter parce qu'il y a des. Ça fait quand même. Il disait que il était qui me suivait quand il était plus jeune. Oui. Et donc je veux dire. Je ne suis pas censé, je dis ça en toute humilité et modestie, être connu du grand public. Et honnêtement, je trouve d'ailleurs que ce n'est même pas enviable d'être connu de tous, sincèrement. Hein. Simplement, voilà, que j'ai monté un groupe en 1977, ça ne rajeunit pas, qui s'appelait Trust. Et après, ça quand même. Après, j'ai enchaîné avec Johnny et des tas d'artistes. Et notamment pendant de nombreuses années. Bref, voilà, c'était pour faire mes petites présentations solo. Super, super, super. Donc je suis touché d'avoir été réinvité pour la deuxième fois. Suis-je le seul ? Et c'est pas fini. Non, t'es le seul. Avoir été réinvité. Alors, j'ai réinvité Patrick Ronda, mais pour des questions d'agenda, il pouvait pas. Donc, Ok. Mais... Donc j'ai bouché le trou. Absolument pas. Non, parce que moi mon kiff. Moi mon kiff c'était de vous réunir tous les deux avec moi. C'était okay, ça mon kiff. Alors Norbert, oui. Évidemment, tu as traversé plusieurs époques du rock, hein, oui. On vient de le dire. Oui. Comment tu vois l'évolution de cette musique ? Est-ce que pour toi, le rock est mort ou est-ce que le rock n'est pas mort ? Non, le rock, la grande question. Le rock ne mourra jamais, jamais, jamais, comme tous les autres styles de musique d'ailleurs, je pense, hein, honnêtement. C'est par vague, c'est par, entre guillemets, par mode. Oui. Voilà, il y a eu le disco, l'électro, enfin, il y a des tas de musique aujourd'hui. Je pense pas que le rock, ça y sera toujours. C'est une musique, je dirais, quand même humaine, jouée par des humains. On n'est pas dépendant de machines ou quoi que ce soit. Il faut des guitares électriques, il faut des chanteurs, des chanteuses, des instruments, des vrais instruments, joués par des vraies personnes. Et je pense que rien que ça fait en sorte que ça perdurera. Ouais. Je pense qu'on est assez d'accord, unanimement. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait. Si tu devais, alors évidemment, dans une interview, il y a toujours des questions bateau, hein, mais c'est bon, on va en passer par là quand même. Mais oui. Le plus grand moment de ta carrière d'artiste, le truc qui vraiment... C'est difficile parce que, comme je le disais, j'ai commencé avec Trust en 77, mais j'avais commencé avant. J'ai commencé ma carrière professionnelle fin 75, début 76. Avoir fait Trust pendant de nombreuses années, avoir fait Johnny pendant près de 8 ans et après j'ai continué à travailler jusqu'en 2003, donc j'ai travaillé avec lui pendant près de 20 ans. Je parais sur plus de 150 albums, j'ai fait des tas de tournées, sortir un seul événement marquant, c'est très difficile. Ouais, très difficile. Très, très difficile, je franchement... Bah t'as le droit d'en citer plusieurs, au pire on a le temps. Non mais les meilleurs moments, je dirais les meilleurs moments, c'était... au moment de la gloire avec Trust, quand on remplissait les salles, on était jeunes, on avait une vingtaine d'années, c'est magique parce qu'on est jeune. L'euphorie, quoi. On est jeunes, c'est ouais, voilà. Et donc, d'un seul coup, on connaît la gloire. Et donc, c'est assez impressionnant et magique. Après, c'est Johnny, quand même, qui m'a marqué parce que j'avais signé un an et demi pour un contrat d'un an et demi. Je suis resté presque 8 ans avec lui. Et puis après, j'ai dû partir parce qu'on avait re-signé chez Warner avec Trust. J'ai donc dû. moi, quitter Johnny, si j'avais su, je ne l'aurais pas quitté d'ailleurs, parce que pour faire ce qu'on a fait après avec Trust. Bref, je dirais voilà, mes meilleurs moments, c'était avec Trust et Johnny. C'est quand même un truc de fou. Moi, je réalise que je suis en train de parler à Norbert Krieger. Ouais, mais il n'y a pas de quoi. Non, mais quand même, enfin voilà, c'est. Toi, tes artistes qui t'ont vraiment. Qui t'ont inspiré. Il y en a beaucoup aussi, c'est difficile, il y en a beaucoup. J'ai la chance d'avoir un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Donc lui, il a, en 68, j'avais 12 ans. Lui, il ramenait les disques déjà des Beatles, des Rolling Stones, des Bluesman. Et donc à 12 ans, je découvrais tout ça, cette musique, je dirais, électrifiée. Plus ou moins, quand j'ai électrifié, c'est-à-dire les Led Zeppelin et compagnie, quoi. Ouais. Donc ça a été pour moi de nombreuses influences. Ça va de Led Zeppelin à Jeff Beck, à Jimi Hendrix, à tous ces artistes des années 70, voilà, qui m'ont profondément influencé. Ouais. Il y en a beaucoup. Je pourrais... En tant que guitariste, je dirais Jeff Beck, comme des millions de musiciens et de guitaristes sur Terre. Ça revient souvent, c'est vrai. Ça revient souvent. Tu et toi, Gérald ? Ah oui ? Bah moi, je suis né un peu plus tard, désolé. Ouais, normal, heureusement. On n'a que 2 ans d'écart. Bah, non, non, beaucoup plus. Non, alors moi, je suis arrivé dans une génération où ça pullulait, en fait. J'étais bercé par les disques de mon père, où on avait Led Zeppelin, Deep Purple, j'avais du Van Halen, j'avais un petit peu tout. Et puis, j'ai connu la nouvelle vague du grunge, du hard rock, enfin du hard un peu plus dur, et du Metallica, des trucs un petit peu plus comme ça, bien que c'est 80. Mais j'ai eu une palette de styles vachement ouverte, en fait. Alors c'est une chance parce que ça enrichit, mais oui, si je dois dire qui m'a, bah c'est Led Zeppelin, c'est Deep Purple, c'est Nirvana. Le guitariste qui t'a marqué, qui t'a influencé, un gros si qui en a un, si on a un, moi j'ai sorti Jeff Beck, toi ça serait qui? Steve Vai, ok, ouais. Je sais pas qui c'est. Mais tu exagères. Mais tu vois, c'est que ce qui est sympa dans ce que vous dites, c'est qu'on déballe un tas de noms connus de notoriété qui n'est plus approuvée. Oui. Mais Trust, ça reste quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, les gamins qui écoutent du rock. Ouais. Et... Non mais. Bon, alors c'est une fierté, honnêtement. Bah, en plus. C'est surtout grâce à un titre, grâce à Antisocial, on parle de ça. On va pas se mentir, c'est voilà, clair. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est une fierté dans le sens où ça perdure, où ça traverse un peu les décennies. Mais c'est une tristesse aussi de se dire que merde, c'est toujours encore d'actualité, ce putain de texte. Oui. Et c'est terrible. C'est clair. Voilà. Mais grâce à toi, des mecs comme moi ont fait de la guitare. On n'a pas fini à faire les conneries ailleurs. Voilà. C'est vrai que ça peut, la musique peut sauver des gens. Des conneries qu'on pourrait faire ou de mauvais chemins qu'on pourrait prendre. Ouais. Et aujourd'hui, de transmettre, comme aujourd'hui avec la masterclass, c'est un truc important pour toi ? Ouais, c'est important parce que quand j'étais jeune, quand j'avais une quinzaine, 16 ans, 17 ans, où je débutais, j'aurais adoré rencontrer Jeff Beck, j'aurais adoré rencontrer Jimmy Page, j'aurais adoré rencontrer mes idoles, entre guillemets. Je ne veux pas dire par là que je ne me prends pas pour une idole, mais ce que je veux dire, je sais que je fais plaisir à certains jeunes que j'ai en face de moi. Je pense que la transmission est importante, très importante. Et j'aime ce moment privilégié d'être tout proche des gens et de pouvoir, je leur dis, posez-moi des questions. Alors au départ, ils sont timides, puis après... Ça, il se lâche un peu, mais c'est important de transmettre ça, je pense. Et puis aussi, musicalement, aussi, de leur faire partager mon savoir que j'ai depuis tant d'années. Voilà, c'est important. Et là, des choses comme Tito qu'on entend derrière, c'est des trucs qui te branchent bien aussi. Ouais, bien sûr, j'adore. Moi, j'adore tous les styles de musique. C'est vrai, ouais. Ouais, vraiment tous. Je vais même dire certains titres de rap, mais pas tout, parce que le rap, j'ai un peu de mal. Mais, quand il y a de la mélodie, ça me va. Je partage. Tu vois, il y a le morceau New York, là où je sais pas, qu'on connaît peut-être. Bon, bref, mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Bref, mais j'aime tous les styles de musique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai eu la chance aussi de travailler avec donc de nombreux artistes, je ne l'ai pas dit, parce que Trust a l'idée, mais je dois figurer sur plus de 100 ou 150 albums, je n'ai jamais compté. J'ai fait de tous les styles, j'ai travaillé sur des albums de Zouk, des albums de Rai. Zouk ? Ouais. Alors, ça, c'est une exclue. Ouais. On l'a sur Radioactive, cette exclue. Du Rai, la musique qui vient d'Afrique, d'Afrique du Nord. Du jazz, on m'a invité sur des tas de trucs, c'est très enrichissant, très enrichissant, c'est des expériences musicales et humaines aussi. Ben oui, évidemment. Et alors, justement, après avoir connu des salles mythiques, un public de folie, d'arriver sur un petit festival à dimension familiale, enfin un petit festival, un immense, magnifique festival local. Gardons la raison, s'il vous plaît, gardons la raison. Je t'interromps, je comprends direct la question. Moi, j'adore, je parle aux auditeurs, moi, sincèrement, j'adore jouer dans des clubs, dans des petits endroits, dans des petites salles, dans des festivals très gros comme celui-ci. Oui. Dans ce modeste festival, mais je dis modeste, c'est quand même assez imposant quand même. Moi, ce que j'aime, c'est la proximité. Donc, ce que je veux dire... c'est quand on joue par exemple au Stade de France où j'ai joué ou à Bercy où j'ai joué plus de 90 fois avec Johnny, les premières personnes sont à 20 mètres de nous, il y a des crash barrières entre nous, il y a une masse de gens, c'est beau, c'est chouette, mais il y a les musiciens sur scène et le public, il n'y a pas de proximité. Alors que dans un club, les gars, ils sont au bord de la scène, ils te touchent les chaussures, et puis on ressent des choses. Et moi, je préfère. Et puis, je suis pas le seul à préférer à jouer dans les petits endroits. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, en tant que spectatrice, je me suis toujours posé cette question de l'artiste qui est sur scène, et c'est valable pour toi aussi, Gérald. Mais quand vous êtes à proximité du public comme ça, comment ça se passe? Vous fixez, vous regardez une personne, vous fixez un point, vous balayez tout le monde? On essaye. Alors. Quand je parle pour mon cas, moi en général j'essaye de me concentrer aussi sur la musique quand même et de prendre du plaisir, parce qu'il y a un élément très important, c'est que pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils prennent du plaisir, il faut d'abord se faire plaisir. C'est très important. Donc on doit être bien dans la musique. Voilà. Après, évidemment, nos regards se portent sur une personne, 2, 10, 20. C'est pour ça que je disais, dans les grandes salles, on voit que les premiers rangs, hein, les trois premiers rangs. Voir un peu plus, mais ouais, bref. Parce qu'il faut savoir, vous avez la lumière aussi, voilà. D'ailleurs, en pleine poire. En plus, les projecteurs en pleine poire. Je suis allé voir, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, Bruce Springsteen au stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est un immense stade de foot. Hein. Lui, il a installé des escaliers. Et en fait, les trois quarts du concert, voire quasi tout le concert, il descend chanter devant les crash barrières, proche des gens, voire de l'autre côté, il saute, il se met de l'autre côté. Mais les trois quarts du show, il le fait près des gens, en fait. Il monte sur scène, évidemment, de temps en temps, mais après, il ne peut pas s'empêcher de redescendre et de faire des allers-retours de gauche à droite, en tapant dans la main des gens, en parlant avec les gens, en s'arrêtant à côté des gens, en chantant à côté des gens. Je trouve ça extraordinaire parce que voilà, ça prouve ce besoin d'être proche physiquement. Mais oui, évidemment. Et il y a un rituel avant de monter sur scène? J'aime bien poser cette question aussi. Il y en a qui ont des rituels. Moi, franchement, j'en avais pas. Une époque, il fallait que je boive 3-4 bières. Et plus maintenant. J'ai arrêté de boire il y a 7 ans. Définitivement. Bravo. Et bravo. J'ai arrêté de boire et de fumer en même temps le même jour. C'est un message. Il faut arrêter de fumer déjà. Il faut tout arrêter. Boire. Non, il faut arrêter de fumer surtout. Bref. Non, je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai pas de rituel, Gérald, je sais pas. Bah, moi, j'aime bien faire un petit câlinou avec les musiciens, juste avant. Ah oui, ça, et ouais. Après, on y va. Oui, ça, être proche de la team. Je pense qu'on le fait tous. On le fait tous, oui. De se regrouper juste avant de me jouer derrière la scène et de se dire, allez, go. Une synergie, quoi. Ouais, essayer de. Et en descendant de scène. Pardon. Pareil. On refait un petit câlin. On dit, c'était chouette. En sortie de scène. On dit, là, j'ai merdé. En sortant. Ouais, débrief, c'est plutôt débrief direct. Non, alors avant, oui, puis maintenant. Le débrief, on le fait vraiment plus tard. On profite du moment présent, parce que si tu rentres dans un débrief... Ouais, c'est vrai. On se dit toujours, ouais, ça, j'aurais pu faire ça comme ça. Il a raison. Là, j'ai chié. Et en fait, on profite jamais assez du moment présent. Et on a partagé un moment qui est vraiment intense. Et se dire, maintenant, on profite. Mais on le sait tous qu'on n'a pas été parfait, parce qu'on fait jamais le concert parfait. Tout à fait raison. Et on se dit, on profite et on fera le point plus tard, quoi. Il a tout à fait raison. Eh ben c'est chouette tout ça, on pourrait parler toute la nuit. Moi j'aurai encore plein de questions, mais bon, on va vous laisser aussi profiter du moment. Norbert, il vient d'arriver sur site. Tu t'es reposé un petit peu avant Ouais. Profiter des bords de chair un peu aussi Pas trop, mais demain peut-être, avant de reprendre la route. Ouais. C'est vrai que le site est joli. C'est magnifique, la région est magnifique. Et oui. La région est vraiment magnifique. La Touraine. On imagine que quand on fait des tournées, on ne profite pas des endroits où on passe. Mais c'est vrai, on ne profite pas vraiment parce qu'en fait, on arrive, il faut aller faire une balance quand on fait des balances. Ça dépend des kilomètres. C'est ce qu'il y a de plus pénible en tournée, en fait. C'est pas, on nous dit toujours que ça doit être fatigant. Ce qui est fatigant en tournée, c'est les voyages et puis de faire des troisièmes mi-temps. Ouais. Voilà. Ah oui. C'est oui, ça. Oui. Mais jouer sur scène, ça n'a jamais été fatigant. Non, jamais. Ah. Bah, puis ça doit être automatique quand on a de la bouteille. Comme, Ouais, c'est automatique. Mais pour revenir à la question juste avant, c'est que c'est vrai, pas le temps de visiter souvent les villes. Alors moi, je connais bien la France parce que ça fait 50 ans que je bourlingue. Mais ce que je veux dire, des fois, il faut avoir la chance de rester 2-3 jours. Avec Johnny, des fois, on restait 2-3 jours. Avec Trust aussi, donc là on a le temps de se promener l'après-midi, d'aller visiter. Mais en général, c'est un soir, on arrive en milieu d'après-midi, il faut faire une balance, on va à l'hôtel, hop, d'un seul coup, il est déjà 18h, 19h. On n'a pas vraiment le temps d'aller se promener. Quoi. Mmh. Donc, C'est une vie particulière, ouais. Mais c'est une chouette vie. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mmh. C'est un privilège. Donc ce soir, vous allez. Clôturer ensemble avec un feu d'artifice, oui. C'est l'idée. Oui, c'est nous qui allons le tirer. D'ailleurs, on fait que ça ce soir. Nous tirons que les feux, voilà. Nous avons. Votre prénom, s'il vous plaît. Sylvain, s'il vous plaît, on peut l'appeler bien fort. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous, merci. Un grand merci. On est vraiment super content d'avoir. On le disait tout à l'heure, mais super content d'avoir participé à cette édition et on sera content de revenir. L'année prochaine, on vous attend. Hein. Eh ben, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup Norbert. Merci. Merci Gérald. À bientôt, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Si c'est un peu chaud, on va faire simple.